Thank you. up. Ouais, j'arrive pas, putain c'est... Non, en fait, ça va pas vous plaire, ça. Ils remplissent encore des salles.